Scène 4. Marthe, puis Lannoy, puis Amandine. Marthe est seule. On n'a pas idée de confier des lettres aussi compromettantes à un tiers. Heureusement que Landerneau ne s'est pas méfié. Marthe s'assied sur le canapé. À ce moment-là, Lannoy fait son entrée. Eh bien, vous savez, elle n'était pas dans la serre. Tiens, ce n'est plus Bibiche, c'est Madame Paquerel. Ce Dufossé a une audace. Madame. Que peut-il m'écrire? Madame. Eh bien, elle est comme l'autre. Il faut à tout prix que je vous parle, hein? Et elle lit aussi. C'est donc le cabinet de lecture. Il faut à tout prix que je vous parle. Vous avez bien voulu. Bien voulu. Bien voulu m'encourager, je me risque. Hein? Vous? Comment savez-vous? Oh, je dis ça, je suppose. C'est une circulaire. Mais alors vous avez lu? Non, je ne connais que cette phrase, voilà tout. Quelques lettres de commandeur, hein? C'est sans importance. Oui, justement, il m'a fait une peur. Lannoy s'assied sur une chaise volante qu'il a portée près de Marthe. Et vous allez bien aujourd'hui, chère future belle-mère? Comment? Il s'installe. Oui, oui, très bien, je vous remercie. Lannoy ne se déconcerte pas devant l'accueil de Marthe. J'ai été très souffrant cette nuit. Marthe, énervée, quitte sa chaise pour aller s'asseoir un peu plus loin. Allons, tant mieux. Lannoy quitte sa chaise et se rapproche de Marthe. Figurez-vous que je cherche ma fiancée pour lui offrir ce bouquet. Madame Landerneau m'a dit qu'elle était dans la serre. Elle n'était pas dans la serre. Non, non, en effet. Elle lit à la dérobée. Le jour, on n'est pas tranquille. Vous ne savez pas où je pourrais la trouver? Dieu, qu'il est ennuyeux. Qui? Ma fiancée. Oh! Marthe est à bout de patience. Pour se débarrasser de Lannoy. Au grenier. Au grenier? Quelle drôle d'idée. J'y cours, madame. Lannoy sort. Ce n'est pas malheureux. Lisons. Accordez-moi pour cette nuit une entrevue dans la serre. Il est fou. Mais pour qui me prend-il? Je vous jure que ce sera en tout bien tout honneur. Ah, en tout bien tout, je me disais aussi. Réfléchissez, je suis un galant homme. Non, non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on dirait? La nuit, c'est très dangereux. Les tout bien tout honneur. Oui, mais d'un autre côté, si je n'y vais pas, je lui fais une avanie, puisqu'il me dit je suis un galant homme. J'aurais l'air d'en douter. Tandis qu'en y allant, il se trouve engagé et ce sera plus poli de ma part. Et puis, ça ne sera peut-être pas ennuyeux. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix, colimaçon borgne ou coucou, ah le voilà. Ah, il faudra que... Marthe fait signe d'agiter son mouchoir. C'est lui qui donnera le signal. Non, je me fais un scrupule. Après ça, je lui dirai de ne pas agiter trop fort, ça atténuera. Vous m'indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie sur son dos. Oh non, ça non, je n'oserai jamais rayer mon mari. À propos, j'ai bien trouvé des jarretières. Mais on demande la mesure. Décidément, il doit être actionnaire dans une fabrique. À ce moment, Amandine entre. Marthe ? Elle n'a dû rien comprendre. Il faut que j'en aie le cœur net. Bibiche ! Marthe, embarrassée, s'écarte un peu sur le canapé pour faire une place à Amandine. Amandine minaude en se trémoussant pour se mettre à l'aise. Comme vous tenez de la place. Moi? Ah, là, c'est bien. Vous avez vu mon mari? Mais oui, en effet. Il a dû vous remettre un billet. Hein? Comment savez-vous ? Je le sais parce que je l'ai eu entre mes mains. Ah, vous l'avez ? Il est donc fou, ce du fossé ? On n'a pas idée de faire la chaîne avec ces choses-là ? Oh, vous savez, ce billet, je ne l'ai pas lu. Ah, vous, je respire. Pas plus que vous, j'espère. Moi ? Mais pour qui me prenez-vous ? Je ne lis pas les billets. C'est comme moi, j'ai des principes. Elle ne se doute de rien, je suis sauvée. Elle n'a rien vu. Je suis tranquille. Mais ce billet ? Je l'ai déchiré. Que vouliez-vous que j'en fisse ? Ah ! Vous auriez pu me le remettre. Tiens, voyez-vous ça ? J'ai trouvé plus digne de le déchirer. Après tout, je m'en moque, je l'ai lu. Dites donc, c'était sans doute quelques déclarations d'un amoureux timide ? Ce billet ? Oh non ! Et si... si... quoi ? On n'est pas responsable des sentiments que l'on inspire. Oh, oui ! Mais non, vous vous illusionnez, c'est inadmissible. Hein ? Pourquoi donc, s'il vous plaît ? Il faudrait que cet amoureux ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. L'objet ? En voilà une façon. Et comment ça ? Pas la peine ? Merci, c'est gentil ce que vous dites là. Mais il n'y a pas d'illusion à se faire. Voyez-vous, il faut en rabattre. On n'est plus femme à exciter des passions. Elle est pertinente. Sachez qu'on est aussi bien en état d'exciter des passions que certaines personnes. Ce serait de la fatuité de le penser. Tout le monde ne dit pas comme vous. Si la colonne Vendôme pouvait parler... La colonne Vendôme n'a rien à faire là-dedans. Je vous demande pardon. Moi, au moins, je n'avance rien sans pièce à l'appui. C'est bien facile de parler. Ce qu'il faut, c'est prouver. Or, tout le monde n'en sortirait pas de sa poche des colonnes Vendôme. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Enfin, ma chère, je trouve ce que vous dites très déplacé. Et je ne me gêne pas pour vous le dire. Quelle bonne amie ! Elle me défend même contre moi-même. Allons, voyons, mettons que je n'ai rien dit. Permettez, vous avez dit « objet ». Eh bien, je le retire. Là, tout ça n'est pas sérieux. Vrai ? C'est pas sérieux ? Ah, eh bien tant mieux, parce que ça me faisait de la peine. Quel cœur ! Et vous ne direz plus qu'on n'est pas femme à faire des passions ? Non, là, ça se dit, c'est pour ne pas avoir l'air de se faire des compliments. Qu'est-ce que ça fait entre nous ? Eh bien, je le dirai si vous voulez qu'on est la plus belle, la plus charmante, la plus exquise de toutes les femmes. Oh, vous allez d'un excès à l'autre ? Non, passable seulement. Comment passable ? On n'a pas des attraits. Mais enfin, je vous assure qu'on comprend très bien qu'un homme pas trop vieux, ou bien alors très jeune, qui n'a pas trop l'embarras du choix... Oh mais, elle me bêche à présent. Enfin, on a vu des choses comme ça. Voyez plutôt la colonne Vendôme. Eh, la colonne, quand ce serait même la Bastille. Elle m'ennuie à la fin. Qu'avez-vous ? Je trouve vos propos de mauvais goût. Moi ? Oh, vous êtes trop indulgente pour moi. On ne parle pas ainsi des gens. Ah, quand ils vous touchent d'aussi près. Enfin, c'est bon. Si j'ai été trop loin, je retire. Le fait est que j'ai été trop sévère. Mais je n'en pense pas un mot. À la bonne heure. Quelle excellente amie. Amandine et Marthe se serrent la main.